mais je passe, alors c'est as. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ils se passent que les gens se prennent la tête. Ils mettent des étiquettes et tatouées comme une bête. Shit, ils critiquent tous mes chutes. J'calcule plus les insultes. Rasgo, laisse tomber ces ragots. Cule ton bédo, laisse tomber ces salauds. Ces ballots qui te font mal au crâne. Chante des crans, l'avance par le ménage. Le temps passe, tu la coules doucement. Les autres avancent, fais un mouvement. Une vie s'accompagne de trop de problèmes. L'esprit fou de l'être humain me fait honte. En fin de compte, c'est un règlement de compte. Il n'y a plus de compte de fées. Les gens épient, témoignent de refaits. Alors dis jours, c'est toi le combat. Quand te vois, c'est ciao, goodbye. Ils y font une réputation de bâtard. J'ferai mon opinion, j'suis pas un tétard. Fils, vois en ce 9e. Regarde par toi-même, vois en 16e, juge par toi-même.